ennemi public numéro 1. Un homme encagoulé, au look décontracté, entre naturellement dans mon coupé cabriolet. Son bracelet électronique brille sous le soleil d'été. Je me contrôle sous mon Marcel, sur mes nerfs je veille. Tout le monde le connaît, c'est l'ennemi public numéro 1. On voit sa tête dans les journaux, tous les matins. La vie de Patrice n'est pas triste, c'est un truand multirécidiviste. Je vous fais son portrait, vite fait. Ils ont trouvé 20 litres de nitroglycérine dans son analyse d'urine. Ils ont trouvé 30 grammes de caféine dans son analyse sanguine. Il a des abdominaux en béton armé. T'as l'impression qu'il s'est injecté du ciment dans ses pectoraux. On l'appelle la dynamite, tellement il est dynamique. Son réalisme est chirurgical. Il fait courir et réfléchir le FBI. La dette des fraudes fiscales est un impératif de la gâchette. Lorsqu'il était en déplacement à Tel Aviv, il a ôté la vie à 15 membres des troupes spéciales. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glands salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flics, on prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. On tire pas à blanc, on fait pas semblant. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glands salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flics. On prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. On tire pas à blanc, on fait pas semblant. Il me dicte la route pour se rendre à son souterrain. Avec une voix qui fait trembler sa cagoule, à en faire paniquer un babacool, il me prévient. Mes colocs sont des locs, mais si tu les provoques, ils se réincarnent en berger malinois. Donc un conseil, me tutoie. Il me présente les partenaires de sa dream team, une bande d'insomniacs tenus éveillés par l'adrénaline. Des éleveurs de pitbulls, tous divorcés, des gros bras au cœur fracassé. Leurs cousins sont des yakuza. En guise de bienvenue, j'entends. Tu me tapes la converse, tu me trouves hyper cool. Mais si l'idée me traverse, je peux te faire un uppercut, je sais pas si tu percutes. On emprunte l'autoroute A3, A3 dans une Audi A3. La catastrophe écologique se profile. Je casse les codes, je casse la routine. On voit à la télé qu'on est recherché. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glandes salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flics, on prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe, on tire pas à blanc, on fait pas semblant. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glandes salivaires, on hérisse des poils capillaires. Même les flics, on prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. On tire pas à blanc, on fait pas semblant. Une patrouille nous fouille, on s'agenouille. Patrice prend les choses en main et informe l'officier. Je suis avec ma clique, ça risque de devenir volcanique. Je te sens sceptique, alors je m'explique. On diffuse notre réplique, le plan est machiavélique. On déballe notre attirail, tombé du camion. Un carton d'armes automatiques, on tire sec au plomb. On voit des trous oblongs. Demande à Loïc, le flic, qu'en est resté stoïque. Ils sont contraints de rentrer par le train et de reprendre leur train-train quotidien. On bafoue les lois avec ces hors-la-loi. Même les oiseaux se cachent par peur de mourir. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glandes salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flip-flips, on prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe, on tire pas à blanc, on fait pas semblant. On engraisse notre casier judiciaire, on assèche des glandes salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flip-flips. On prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. On tire pas à blanc, on fait pas semblant. On emprunte l'autoroute A6 dans une Audi A6. Une pensée sur Lupine, Patrice. On commence par quelle joaillerie aujourd'hui? On rentre dans la première qu'on rencontre. Il me conseille, en cas de grabuge, mets ta capuche. On a la flemme de sortir les lance-flammes. Il avertit la guichetière. Lourdes deviennent tes paupières. J'ai injecté dans tes artères un puissant somnifère concocté par les meilleures infirmières. Les clients sont stupéfaits devant ce méfait. Je crois qu'on les effraie. On donne des coups de bottin et on récupère le butin. On dérobe une petite fortune, ma conscience s'affole, elle trouve cette idée folle. On emporte le magot rempli de lingots, et on s'envole aux Bahamas, les poches pleines de liasses, on court toujours. On engraisse nos casiers judiciaires, on assèche des glandes salivaires, on hérisse des poils capillaires, même les flip-flips. On prépare un boom économique sur notre compte bancaire. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. On tire pas à blanc, on fait pas semblant.